mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur par ta parole. Tu envoyas ta parole et les guéris. Tu envoyas ta parole et les guéris. Tu envoyas ta parole et les guéris. Nous sommes venus en ta rencontre, Yahweh. Oh Dieu, nous sommes déjà là, oh Dieu. Et toi, tu es déjà là, Seigneur. Merci, Yahweh. Akababa Shekarabazo. Berize Kora Senterebaza. Kolie Kaloge Sobela Shinte. Indevola Kotabara Koreze Anaka. Imadaro She Aleka. Imate Rebaba Shekerebaza. Kereze Lolo. Oh, Ida Galo, la santé, oh, la baba, c'est que la cause la go. Je ne que bataka, colle que Zakayama. Merezo, chota, pako, colaza. Ouvre notre esprit, Seigneur. Fungua roho yetu Bwana. Ouvre notre esprit, Seigneur. Fungua roho yetu Bwana. Donne-nous accès à la vérité. Utupatie kibali. Donne-nous accès à ta parole. Utupatie kibali kwa neno lako. Donne à mon cœur audience. Acha wewe ukapatie moyo wangu kibali. Donne à mon cœur audience devant toi. Upatie moyo wangu kibali mbele zako. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Tuko hapa Bwana. Shakaro shite zakole shaya. Merci Saint-Esprit. Merci roi de gloire. Merci Dieu vivant, notre Dieu, notre roi, notre Dieu, notre roi, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, mon rempart, mon abri sûr. Parle-nous, Seigneur. Nos cœurs sont disposés. Saint-Esprit, tu as commencé avec nous. Umanza pamoja nasi. Ne nous laisse pas. Usituachilie. Il est écrit que tu glorifieras Christ. Imandiko ya kwamba wewe utamtukuza Kristo. Tu prendras de ce qui est à lui et tu nous l'annonceras. Na utachukua iliyo yake na utatutangazia nayo. Annonce-nous ce qui est de Christ. Ututangazie iliyo ya Kristo. Annonce-nous Christ. Ututangazie Kristo. Que ta grâce coule dans ces lieux. Na neema iende kazirike mali hapa. Que ta grâce coule, Seigneur. Neema yako iende kazirike Bwana. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors hier, nous sommes limités quelque part. J'aimerais qu'on reparte sur Actes chapitre 4. Ningependa tena tuende tukasome kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4 verset 7 mstari wake wa 7. Acte chapitre 4 verset 7. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wake wa 7. Nous lisons ce qui suit. Tunasoma. 1 2 3 ensemble. 1 2 3 tusome pamoja. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Cette phrase révèle la compréhension des religieux face aux enfants de Dieu. Mbele ya watoto wa Mungu. Les enfants de Dieu, watoto wa Mungu, les serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu, les hommes et les femmes établis, watu wanaume wanawake walioheshimikwa, devraient comprendre, wangepasa kuelewa, au nom de qui, kwa jina la nani, et par quel pouvoir, na kwa uwezo gani, ils font les choses, wanafanya mambo. Et c'est ça notre préoccupation durant cette semaine. Na hii ndio inakuwa tunayozungumzia ndani ya wiki hii. Le Sanhédrin pose la question à Christ, à Pierre. Baraza linauliza Petro swali. C'est au nom de qui? Ni kwa jina la nani? Que tu fais ça? Unafanya hii. Si je fais quelque chose au nom de quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qui m'envoie. Kama nafanya kitu kwa ajili ya jina la fulani. Et si c'est quelqu'un qui m'envoie, c'est que ce que je fais, c'est au pouvoir de celui qui m'envoie. Na ni kama ninayofanya ni kwa jina ya ule mtu, ninafanya kupitia uwezo ya ule mtu aliyenituma. Maintenant, comme tu es établi, sasa jinsi wewe umeshimika, lève-toi et agis. Simama na utende. Et si tu agis, na kama unatenda, au nom de qui tu fais, kwa jina la nani unatenda, et par le pouvoir de qui tu agis, na kwa uwezo wa nani unatenda. Est-ce que vous me trouvez? Je, mmenipata? Allô? Vous êtes là? Muko hapo. Si je guéris un malade, kama namponya mgonjwa, au nom de quelqu'un, kwa jina la mtu, c'est que c'est le pouvoir de quelqu'un, ni kusema ni uwezo qui a guéri le malade. Ndio umemponya mgonjwa huo. Quel est le souci des religieux? Sasa nini inakuwa shaka ya hao wanadini? Ce sont les autorités de l'église. Wao wanakuwa ni wasimamizi wa kanisa. Mais sans Christ. Lakini hawana Kristo. Il est écrit, il est venu pour les siens. Imeandikwa alikuja kwa walio wake. Les siens ne l'ont pas reçu. Lakini walio wake hawakumpokea. Et il s'est tourné vers les autres. Na kawakeukia watu wengine. Et les autres là c'est vous. Na wengine hao ni nyinyi. Les gentils. Watu wazuri ama wa Greek. Il s'est tourné vers nous. Akatugeukia. Pourquoi tu te tournes vers nous? Sababu gani unatugeukia? J'ai le but divin à accomplir sur la terre. Ninakuwa na lengo la Mungu la kutimiza. Il faut que le monde soit sauvé. Na inaomba dunia iokolewe. Il faut que le monde reçoive le message. Inaomba dunia ipokee ujumbe. Il faut que le monde rencontre Dieu. Inaomba dunia ikutane na Mungu. Je suis venu vers les Juifs. Nimekuja kwa Wayahudi. J'ai choisi Abraham. Nikamchagua Abraham. Je l'ai établi pour qu'il soit une bénédiction pour les nations. Sa descendance ne comprend pas. Je me tourne vers les gentils. Et je voudrais opérer par les gentils. Na ningependa nitumike pamoja na mataifa. Cette branche sauvage. Hii inayokuwa tawi ambayo inakuwa ya pori. Qui a été greffé. Mti ya pori ambao wamepanda juu ya ingine. Sur l'arbre de vie. Juu ya mti wa uzima. Nous n'étions pas dignes. Sisi hatukukua tunastahili. Mais Dieu nous a rendus dignes par les saluts en Jésus-Christ. Lakini Mungu ametufanya wenye kustahili kupitia wokovu ndani ya Kristo. Et plus fort encore. Na inayokuwa ya juu zaidi. Non pas seulement de nous amener comme des haricots dans un sac au ciel. Haiku tu kama kutubeba kama maragi ndani ya mfuko mbinguni. Comme des gens qui les partis ramasser pour dire OK, je ramasse ceci, je le fais rentrer. Kama watu ambao wameenda kusema mna logota wakisha nitaongeza. Mais comme des personnes que Dieu a voulu carrément les prendre et opérer avec eux. Lakini watu ambao Mungu alihitaji awatwae na tumike pamoja nao. Dieu a voulu opérer avec toi. Mungu alihitaji atumike pamoja na wewe. Nous sommes pas des chiffres dans la maison de Dieu. Hatuko tu hesabu ndani ya nyumba ya Mungu. Nous sommes des personnes, hommes et femmes, sur qui Dieu compte pour accomplir son but divin, le royaume. Je bâtirai mon église ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église de telle manière que la mort et le séjour des morts ne prévalent pas. Je bâtirai mon église de telle manière que je puisse me reposer et que l'église se charge de la mort et du séjour des morts. Je bâtirai mon église de telle manière que mon église se charge d'étendre mes limites, de multiplier les membres de l'église. Je bâtirai mon église de telle sorte que mon royaume prospère par l'église. Mais pour que ces choses deviennent une réalité, Dieu a besoin de chaque individu, de ces gentils, de cet arbre sauvage, de ces membres de l'église, pour opérer avec. Dites à ton voisin, mon frère, Dieu veut opérer avec toi. Seigneur, opère avec moi aussi. Bwana tenda pamoja nami pia. Quelqu'un a chanté, tenda nami Bwana, tenda na roho yangu. Ah, sema. Sema. Ope convertir ça. Tunaweza kuigeuza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. De quelle autorité tu as fait ça? Kwa mamlaka gani umefanya hivi? La même question. Swali hilo hilo. Les Sanhedrin ont posé cela à Jésus. Baraza la wazee walimuuliza Yesu. À Jésus lui-même. Wakamuuliza Yesu. Et dit, de quel pouvoir tu fais ça? Wanamwambia kwa mamlaka gani? Et Jésus leur répond et dit, na Yesu anawajibu atuambia, je n'ai pas besoin de vous répondre sur ça. Sihitaji ni wajibu kwa ajili ya swali hili. De quel pouvoir tu fais ça? Kwa mamlaka gani unafanya haya? Ah bon. Donc quand les gens font des choses, ils doivent les faire à partir de quel pouvoir? De quel pouvoir tu fais ça? Alléluia. Amen. Vous connaissez le contexte? Mnajua mazingara. Ces autorités étaient eux qui étaient les autorités. Et si quelqu'un devrait guérir, c'est eux qui devaient le guérir. Si Dieu devait faire quelque chose sur la terre à ce temps-là, c'est par eux que ça devrait se faire. Ce sont des grands serviteurs de Dieu. Des sacrificateurs. Mais dans la connexion avec Dieu, ils sont hors service. Parce que ces paralytiques venaient à leur église. Il est dit, cet homme était là plusieurs années. Il était là à la porte, à l'église de ses sacrificateurs. Et rien n'arrivait. Et il a passé des années au point de se contenter des offrandes, de l'aumône qu'on lui laissait par les gens qui rentraient à l'église. Et maintenant, lorsque un monsieur ou des messieurs sont venus par là, qui prétendent prôner la nouvelle foi, ou la nouvelle religion, ou la nouvelle foi, eux ont guéri la personne. kupona ule mtu. Eux, ils sont dans leur carrière. Wao wako ndani ya kazi yao. Eux, ils sont opérationnels. Wao wako kwa kazi. Et les Sanhédrin qui conduisent les choses là-dedans. Na baraza la wazee linaongoza depuis des années. Tangu miaka ils sont hors usage. Wako nje ya kazi hawatumike tena. Oh Dieu aide-nous. Mungu tusaidie. Combien de malades sont dans cette salle depuis des années? Et qu'est-ce que nous faisons? Et pourquoi ils sont toujours là? Et pourquoi ils ne guérissent pas? Sommes-nous devenus ces Sanhédrin? Et Dieu, pourquoi tu laisses les gens malades à l'église? Il n'y a pas moyen de les guérir? Pourquoi ces problèmes subsistent? Pourquoi les gens ont des problèmes mais ça demeure? Nous pouvons avoir plusieurs explications, c'est vrai. On peut dire tel n'a pas la foi. On peut dire tel vit à l'église, elle a des problèmes, mais ne crée pas Dieu. On peut dire pour tel, Dieu veut donner des leçons à cette personne pour qu'elle comprenne d'abord avant de... On peut avoir des explications. Mais quand les gens doivent passer des années là-dedans, sans guérir, les chrétiens établis, les hommes de Dieu établis, qu'est-ce qu'ils font? Il arrive même que des gens viennent à l'église païen et ils restent païens pendant des années à l'église. Les hommes établis, vous faites quoi? Eston, tu fais quoi là-dedans? Et jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se passe? Tu sers avec l'autorité de qui et au pouvoir de qui, au nom de qui? Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Tu es hors usage ou non? Qu'est-ce qui se passe? La maison de Dieu est devenue quoi? Et ça, ça doit nous interpeller. Chacun de nous. Puisque nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Débarrassons-nous d'eux, etc. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Qui dit carrière dit un travail prolongé. Qui dit carrière dit un travail permanent. Qui dit carrière, si nous prenons l'image de carrière de l'or, cela sous-attendrait que quelqu'un va dans la carrière, il prend une bêche, il enlève la terre jusqu'à ce qu'il va trouver les silos. On appelle silo ou sillon. Hein? Jusqu'à ce qu'il trouve ce chemin de l'or. Et commence à prendre cette terre-là mélangée avec des grains. Et il met dans un bassin. Il est dans la carrière. Et au plan professionnel, on parle de faire carrière. Je suis à la DGDA, je fais carrière. Je suis à la justice, je fais carrière. C'est-à-dire, je travaille. Je travaille, je fais carrière. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. De quelle carrière il s'agit? Ni njia gani? Le but divin. Ni kazi gani ni lengo la Mungu? Pour ta vie. Juu ya maisha yako. Je n'ai ni argent ni or. Sina pesa ama zahabu. Mais ce que j'ai, lakini nilicho nacho, je te le donne. Ninakupa nayo. Au nom de Jésus, jina la Yesu, de Nazareth, wa Nazareti, lève-toi, simama, et marche. Na utembee. Les saisissant par la main, wakimshika kwenye mkono, il le fit lever. Wakamsimamisha. Et cet homme se leva. Na ule mtu akasimama. Sautant, akaruka, chantant, akiimba, dansant, na kucheza, louant Dieu. Na akimsifu Mungu. Pierre, Petro, qu'est-ce qui t'est arrivé? Nini iliyokufikia? Qu'est-ce que tu as compris? Umeelewa nini? Je pense que Pierre s'est rappelé ikiwaza Petro alikumbuka que dans ce que Dieu lui a dit, ya kwamba ndani ya ile ambayo Mungu alimwambia, contenait mlikuwa ndani la guérison, uponyaji des paralytiques, ya viwete. Dans Matthieu chapitre 10, ndani ya Mathayo sura 10, il les envoie. Akawatuma. Au verset 8, kwa shaili la nane, et leur dit, guérissez les malades, na akawaambia muwaponye wagonjwa, ressuscitez les morts, muwafufue wafu, purifiez les lépreux, muwatakase wakoma, chassez les démons, fukuzeni mapepo. Vous avez reçu gratuitement, mepokea kwa bure, donnez gratuitement, toeni kwa bure. Vous avez reçu gratuitement, mumepokea kwa bure, donnez gratuitement, toeni kwa bure. Donnez quoi? Mupane nini? La résurrection. Mupane ufufuko. Donnez quoi? Mupane nini? La guérison. Mupane uponyaji. Donnez quoi? Mupane nini tena? La purification des lépreux. Kutakaswa kwa wakoma. Donnez quoi? Mupane nini? La libération des gens qui ont des démons. Kufunguliwa kwa watu walio na mapepo. Vous avez reçu gratuitement. Mumepokea. Vous avez quelque chose. Na muna kitu. À donner. Ambacho mnapaswa kupana. Tu peux m'aider à dire au voisin? Naweza kunisaidia ambie jirani? N'as-tu pas quelque chose à donner? Je hauna kitu cha kupana? N'ai-je pas quelque chose à donner? Je sina kitu cha kupana? J'aimerais inciter quelqu'un. Ningependa nimwambie mtu. À revenir à la source et à comprendre. Que Dieu, dans les voies de Dieu, lorsqu'il nous confie une mission, il nous donne la provision des choses que nous serons en train de donner. Ningependa mtu aelewe arudi kwenye chemchemu na aelewe ya kwamba Mungu anapotupatia maono anatupatia akiba ya kutimiza ile maono ambayo alitupatia tutimize. La provision de ce que nous serons en train de donner. Akiba ya ile ambayo tutakuwa tukipana. Bwana sifiwe. Amen. J'aimerais un peu nous aider à comprendre de manière synthétique. Ningependa niwasaidie ce que nous essayons de partager ce soir ou ces quelques jours. Kwa ufupi ile ambayo tunatafuta kuongelea jioni ya leo ama kwa siku hizi. Dans l'expérience de Pierre, ndani ya maisha ya Petro, et de tous les hommes qui ont été établis et que nous avons lu, expérimenté et qui étaient en train d'agir, qui se sont levés pour agir, na watu wote walioshimikwa na waliosimama kwa kutenda, on peut retrouver trois réalités en présence. Unaweza kukutana na ukweli tatu. Trois réalités. Ukweli tatu. La première réalité, ukweli wa kwanza, c'est le vous, ni nyinyi, le faire, kutenda, et l'agent invisible, na mtu anayetumika asionekana. Vous avez retenu? Mumeshika hiyo? Le vous, nyinyi, le faire, kutenda, et l'agent invisible. Na mtu anayetumika asionekana. Le vous, c'est-à-dire, ile nyinyi inamaanisha, votre statut, inamaanisha cheo chako, d'homme établi, ya mtu ambaye ameshimikwa. Votre statut devant Dieu, nafasi ya macheo chako mbele ya Mungu, qui résulte d'un travail que Dieu a fait sur vous pour vous donner ces statuts-là. Ambao natokea ndani ya kazi ambao Mungu amefanya juu yenu ili akupatie ile cheo ama ile nafasi. Dieu a fait un travail. Mungu amefanya kazi. Pour que vous deveniez vous. Ili ukue wewe. Pour que vous deveniez la personne choisie. Ili ukue mtu ambaye amechaguliwa. Vous avez été sur la table du potier. Umekuwa kwenye meza mfinyanzi. Dieu vous a façonné. Na Mungu amekutengeneza. Dieu vous a confectionné. Mungu amekutengeneza. Dieu vous a malaxé. Mungu akawasonga. Jusqu'à ce que vous accédiez à un certain statut. Mpaka wakati unafikia kwa nafasi ya machoflani. Et dès lors que vous avez atteint ce statut-là. Na wakati umefikia cheo hicho. Vous êtes la personne. Uko mtu. Vous êtes cette personne-là. Uko ule mtu. Lorsque David affronte Goliath, wakati Daudi anapambana na Goliati, dans 1 Samuel 16, ndani ya Samueli wa kwanza 16, 17, ndani ya Samueli wa kwanza 17, il dit, anasema, tu viens contre moi. Unanitia. Avec la lance et les javelons. Mais moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Kwa jina la Bwana que tu as insulté. Avant ça il dit. Hiyo, anasema, quel est cet incirconcis. Ni nani qui jette un défi. Aux troupes du Dieu vivant. Kwa ya Mungu wali hai. Il dit, je viens contre toi. Anasema ninakujia. On devrait poser la question. Na ungepasha kumuliza swali. Toi c'est qui? Wewe ni nani? Toi qui viens contre moi. Wewe ambao unanijia. Pour Goliath. Kwa jini mbele ya Goliath. C'est quoi ces chiens là qu'on m'envoie là? Hii ni imbwa gani wanayonitumia hapa? Pour David. Lakini mbele ya Daudi. C'est quoi cette incirconcise? Huyu asiyetahiriwa ni nani? Le vous. Ile détermine inaonyesha ce que vous serez capable de faire. Ila ambao utakuwa na uwezo wa kufanya. Dans tous ces enseignements que nous avons suivis ici, ndani ya mafundisho haya yote tuliyoyafuata, Dieu nous a aidé à travailler sur le nous. Mungu ametusaidia ili tutumike juu yetu. Afin que ili nous puissions entrer dans les statuts des hommes et des femmes établis. Parce que deux personnes peuvent se présenter devant un défi. Je vous ai dit, entre Moïse et Aaron, il y avait une grande différence. Tous connaissent le même Dieu. Tous sont dans la même mission. Mais pour Moïse, lakini, kwa Dieu ya Musa, l'a confectionné depuis longtemps. Mungu alimutengeneza tangu zamani. Au point que, na hata, quand Moïse dit je ne peux pas le faire, wakati Musa anasema siwezi kufanya hiyo, Dieu considère Mungu anaona que je n'ai pas de pièces de rechange. Ya kwamba sina chombo inayoweza kugomboa hii. Les statuts que je t'ai déjà donné, nafasi ambayo nimekupatia, je l'ai donné à toi, Moïse. Nimekupatia wewe tu, Musa. Si tu as juste un déficit, le langage, je vais te chercher un interprète. Mais je ne veux pas te remplacer. C'est toi ou rien. Et Dieu fait venir Aaron. Aaron sera ton prophète. Et toi tu seras son Dieu. Ok. Nous allons en mission. Tunaenda kwenye kazi. On va délivrer Israël de Pharaon. Na tutamkomboa Israeli toka mikononi ya Pharaon. Lorsqu'ils arrivent sur terrain, wanapofika kwenye uwanja wa kazi, celui qui interagit avec la source, anayejadiliana pamoja na chemchemo, ni Musa. Quand il finit de traiter avec Dieu, anapomaliza kuzungumza pamoja na Mungu, il dit à Aaron, anamwambia Haruni, dites, sema hivi. Et Aaron dit. Na Haruni anasema. Et le miracle se produit. Na miujiza zinatendeka. Pharaon n'a jamais eu l'impression. Pharaon hachajua. Que c'est Aaron qui faisait le miracle. Ya kwamba ni Haruni ndiye anayefanya miujiza. Pourtant c'est Aaron qui parlait. Ijapokuwa ni Haruni ndiye aliyekuwa akisema. Les statues. Nafasi ya macheo. vrai statut. Le vous. Il est ouéwé. Ça, c'est la première réalité en présence. Dans la carrière. Ou dans l'établissement. La deuxième réalité, c'est le faire. Ukweli wa pili ni kutenda. Je remonte un peu. Ninapanda juu kidogo. Dans la première réalité, le vous. Ndani ya ile ukweli wa kwanza ya wewe. Dans Galates 4:19. Wa Galatia 4:19. Paul dit, Paul anasema, j'éprouve encore les douleurs de l'affrontement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mpaka wakati Kristo atatengenezwa ndani mwenu. Et nous avons vu la fois dernière. Na tuliona wakati uliopita. Que la parole déclare ya kwamba neno linasema que nous sommes devenus participants de Christ. Ya kwamba tumegeuka washirika wa Kristo. Parce que Christ a été formé en nous. Sababu Kristo amejengwa ndani mwetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le faire. Kutenda. C'est-à-dire la mission. Ni kusema kazi. C'est-à-dire la qualité de ce que vous faites. Ni kusema hali ya ile unayoifanya. Qu'est-ce que vous faites? Mnafanya nini? Qu'est-ce que faites vous? Nini wanafanya nyinyi? Vous là. Wewe nyinyi hapo. Vous faites quoi? Munafanya nini? Pierre, tu Petro, fais quoi? Petro nafanya nini? J'ai guéri les paralytiques. Nimemponya kiwete. Allez, guérissez les malades. Et j'ai guéri les paralytiques. Nimemponya mgonjwa. OK. Sawa. Comment tu as cru que tu pouvais guérir les paralytiques? Namna gani uliamini ya kwamba unaweza kumponya kiwete? Parce que le maître nous a dit. Sababu Bwana alituambia. Dans la formation. Ndani ya mafundisho. D'aller. Twende. De guérir les malades. Na tuwaponye wagonjwa. Les paralytiques. Viwete. Les lépreux. Wakoma. Et ça c'est un paralytique. Na huu ni kiwete. Donc il fait partie. Ni kusema ni miongoni. De faire dont nous avons été chargés. Ni miongoni mwa kazi ambao tumetumwa kufanya. Je dois guérir cet homme. Napasha kumponya huyu mtu. Parce que cet homme fait partie. Sababu huyu mtu ni miongoni. Du contenu des instructions. Mwa inayokuwa ndani ya que j'ai reçu. Ambao nimepokea. Maintenant, il y a un but divin. Sasa kuna lengo la Mungu. Pour ta vie. Juu ya maisha yako. Et tu es entré dans cette carrière pour accomplir ces buts divins. Le fait que Dieu t'ait chargé de ces buts divins, il a prévu la provision pour ces buts divins. Lorsque tu es en présence de ces buts divins, rappelle-toi tout simplement que j'ai la provision pour ça. Lorsque tu fais face wakati unakuwa mbele à un démon mbele ya pepo, tu te rappelles simplement unakumbuka tu que dans ma provision ya kwamba ndani ya akiba yangu Dieu a dit Mungu alisema celui qui croira atakayeamini chassera les démons atafukuza mapepo. Donc toi tu es démon ni kusema wewe ni pepo hein, ndio je suis chargé ninahusika de te chasser kukufukuza dans mes prérogatives ndani ya kazi zangu dans les charges de mon établissement, il est prévu que je te chasse. Lorsque nous faisons les choses qui sont prévues dans notre statut, nous devons être capable de nous assurer que ça va se faire. Ça va se faire. Ça fait partie de mes prérogatives. Ni miongoni mwa jukumu ama kazi zangu. Je vais parler à quelqu'un ici. Nitamwambia mtu hapa. Il y a des gens qui sont des responsables d'entreprise ici. Kuna watu ambao ni mabosi ndani ya makampuni hapa. Prenons Olivier. Tuchukue Olivier. Dans ton entreprise. Ndani ya kampuni yako. Tu as autant d'agents. Unakuwa na wafanyakazi wengi. Attends que le boss. Kama vile bosi. Si un agent a fait quelque chose de mal, kama kuna mfanyakazi ambaye amefanya kitu kibaya, et qu'il faut qu'on le révoque, na inaomba umfukuze, et que tu es en train d'écrire la lettre pour le révoquer, na uko naandika kibarua cha kumfukuza, est-ce que tu crois que ça va marcher? Je, unaamini kwamba mambo yatafanyika? Est-ce que ça va marcher? Je, mambo yatafanyika? Est-ce qu'il va cesser de venir au travail? Je, hatakuja tena kwenye kazi? Est-ce qu'il va partir? Je, ataenda? Pourquoi? Sababu gani? Parce que celui qui a signé la lettre sababu aliye sahihi kwenye kibarua a le statut, anakuwa na cheo, c'est le lui, ni yeye, et dans ses prérogatives, na ndani ya kazi zake, il a pouvoir, ana uwezo de révoquer, wa kufukuza. Mais si tu prends un de tes sentinelles, lakini ukimchukua moja wa zamu zako, qu'un agent a commis une bêtise, kuna mfanyakazi alifanya makosa, et que toi tu n'as encore rien fait, na wewe hujafanya kitu, et la sentinelle a fait une lettre de révocation pour cet agent-là. Na samu ndiye anasahihi kibarua cha kumfukuza ule mfanyakazi. Allô? Allô? Est-ce que manifat? Est-ce que vous me suivez? Si la sentinelle écrit la lettre de révocation de cet agent, kama zamu anaandika kibarua cha kumfukuza ule mfanyakazi, cette sentinelle est sûre que ça peut ne pas marcher. Ule zamu anakuwa na uhakika ya kwamba mambo yanaweza kuendeka kama hapana. Si tu reçois une lettre de révocation, kama unapokea kibarua cha kukufukuza, tu vois quoi d'abord dans la lettre? Unaona nini kwanza? Tu regardes l'objet, unaangalia shaba, et tu regardes qui a signé, na unaangalia nani aliye sahihi. Si tu vois l'objet, ukiona shabaha, révocation, kufukuzwa, et tu regardes qui a signé, na unaangalia aliye sahihi, la sentinelle, nizamu, tu fais comment? Unafanya nini? Unapumzika. C'est la sentinelle. Unapumua unasema nizamu. Apime. Kilo seulement. Mais si tu regardes en bas, lakini ukiangalia chini, et tu vois, na unaona wanaandika, c'est la DG. Ni director mkubwa. Tu fais comment? Unafanya nini? Je suis foutu. Mambo imeharibika. Maintenant c'est toi la DG. Ni wewe ndio msimamizi. Tu viens de signer. Umemaliza kuweka sahihi. Est-ce que tu crois que ça va s'accomplir? Je, unaamini kama itatimilika? Ça va s'accomplir. Itatimilika. Parce que qui écrit? Sababu ni nani anayeandika? La première réalité en présence. Ukweli wa kwanza unakutana na. L'homme qui a le statut de faire ça. Mtu ambaye anakuwa na cheo ama na mamlaka ya kuifanya hiyo. Bwana sifiwe. Hey, amen. Maintenant, laisse-moi vous poser la question. Samuniache ni waulize swali. Parmi nous tous qui sommes assis ici. Sisi sote tunaokaa hapa. Qui a le statut de chasser les démons? Wanani wanao mamlaka ya kufukuza mapepo? Levez les mains. Mnyoshe mikono. Chaque fois que vous rencontrez les démons. Kila mara unapokutana na pepo. Est-ce que vous les chassez? Je, unaifukuza? Hein? Hein? Vous les chassez. Mnafukuza. Est-ce que les démons partent? Je, mapepo yanakimbia? Alors, vous êtes le PDG ou vous êtes la sentinelle? Sasa, nyinyi ni wakubwa wa kazi ama nyinyi ni wazamu? Bwana sifiwe. Amen. Est-ce que le message passe? Je, ujumbe napita? Nous sommes en train de dire, tuko tunasema, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Tukimbie ndani ya kazi ambayo imefunguliwa kwa ajili yetu. Mais qui court dans la carrière? Lakini nani anayekimbia ndani ya kazi hiyo? Qui? Ni nani? Celui qui a les statuts. Ni ule ambaye anakuwa. Et comment vient ces statuts-là? Na ile cheo inakuja namna gani? Par le travail divin. Ni kupitia kazi ya Mungu. Sur nous. Juu yetu. Pour nous façonner. Kwa ajili ya kututengeneza. Et nous amener dans ces statuts. Na tupeleka ndani ya ile cheo. De telle sorte que. Na kwa namna mbaya. Devenu dans ces statuts là. Tukisakuwa kwenye cheo hicho. Quand nous allons faire. Wakati tutafanya. La nature. Maumbile. Les esprits. Mapepo, les êtres humains, wanadamu, la création wote, saura watajua, que celui qui signe là ya kwamba C'est celui qui a les prérogatives de signer. C'est ce qui arrive avec les fils de Sceva. Dans Actes chapitre 19, verset 13 et suivant, ils disent aux démoniaques, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les démons disent, tu nous chasses, hein? Toi, c'est qui? Wewe ni nani? Nous connaissons Paul. Tunamjua Paulo. Nous connaissons Jésus. Tunajua hata na Yesu. Et toi, tu viens d'où? Na sasa wewe unatokea wapi? Donc, les fils Sceva essayent d'opérer dans la deuxième réalité en présence. Wanapima kutumika ndani ya hii ukweli wa pili inayoonekana. Le faire. Ils veulent faire, ils essayent de faire, mais ils n'ont pas travaillé sur le vous. Lorsque nous disons, lèvons-nous, tusimame, on va prier, tutaomba, nous allons chasser les démons, tutafukuza mapepo, tout le monde commence à frapper les maîtres. Kila mmoja anaanza kupiga mikono, anaanza piga mikono na fukuza. Nous sommes dans quelle réalité? Tuko ndani ya ukweli gani? Le faire. Tuko ndani ya kutenda. L'agir. Kutenda. Et puis le conducteur dit, na kisa mwongozo wa mume anasema tunyamaze. Et nous tous on arrête. Na sisi sote tunasimama na maombi. Les démons sont partis ou ils sont pas partis? Mapepo imeenda ama ya kuenda? Est-ce qu'ils sont encore là? Je, ingali hapo. Les situations sur lesquelles nous avons frappé se sont arrêtées ou continuent? Quelle est la réalité? Lorsque nous sommes en train d'agir, wakati tuko tunatenda, nous sommes dans la deuxième réalité. Tuko ndani ya ukweli wa pili. Le faire. Kutenda. Mais qui sommes-nous? Lakini sisi ni wanani? Qui est en train de faire? Ni nani anayetenda? Et c'est là que réside la grande difficulté de l'église. Parce que beaucoup de chrétiens travaillent peu ou moins sur leur devenir. Et ils travaillent beaucoup sur leur faire. Nous faisons. Nous sommes en train de faire. Mais qui fait? Lakini nani anayetenda? Qui agit? Nani anayetenda? Alléluia. Amen. La troisième réalité, disais-je, ukweli wa tatu nilikuwa nikisema, c'est l'agent invisible. Ni ule mtu anayetumika asionekana. Dans notre établissement. Ndani ya kushimikwa kwetu. C'est-à-dire, ni kusema, Dieu, Mungu, sa puissance, uwezo wake, ses promesses, ahadi zake, sa provision, akiba yake. Sa provision, akiba yake. L'agent divin. Et même le monde des ténèbres, na hata ulimwengu wa giza, connaissent ces mécanismes ici. Wanajua hivi. Je veux dire, les agents du diable, unitasema watumishi wa shetani, connaissent ces choses ici. Wanajua mambo haya. Les démons connaissent ces choses. Mapepo wanajua mambo haya. On vient d'en parler avec les fils de Sceva. Tumemaliza kuisema pamoja na watoto wa Sceva. Ils savent comment ça fonctionne. Wanajua namna gani mambo yanaeneka. Les païens, wapagani, sans le savoir, bila kujua, savent ça. Wanajua hii. C'est pourquoi quand on lui donne un poste important, na ndio maana wanapompatia cheo cha maana, les païens ont tendance à chercher l'agent invisible. Mpagani anatafuta ule mtumishi asionekane. Et il va chez le féticheur. Anaenda kwa mfumo. Et qu'est-ce que le féticheur fait lorsque cet homme arrive chez lui? Na mfumo anafanya nini wakati huu mtu anafika kwake? Le féticheur essaie de démontrer à cet homme sa puissance. Mfumo anatafuta kumwonyesha mtu mamlaka yake. Il essaie de montrer à cet homme des paroles. Anatafuta kumonyesha huyu mtu maneno. Il dit des choses. Anasema mambo. Et il lui fait des promesses. Na nampatia ahadi. Et quand cet homme sort de cette hutte ou de ce trou, au devant d'un homme bizarre, il sort avec des paroles, avec des promesses, avec des matériaux. Ça, tu vas mettre au hache. Ça, tu vas mettre sous l'oreiller. Et voici comment tu vas chaque fois entrer dans ta chambre. Natazama jinsi utakuwa ukiingia ndani ya chumba yako. A reculons. Ukiingia na huko narudi kinyuma nyuma. Et quand cet homme s'assure de bien faire ou de bien respecter son agent est visible. Na wakati mtu anapima kumheshimu ama tumike vizuri ila ambao ule mtumishi wake asionekana alimwambia. Est-ce qu'on a sema bien? Il a bien dit. Quand cet homme observe, c'est que l'agent est visible. OK. Lorsque cet homme ici wakati huu mtu observe anachunguza ce que l'agent ou le féticheur lui a dit, ila ambao mtumishi asionekana ma mfumo alimwambia, pourquoi il est allé, sababu gani alienda, pour avoir le pouvoir sur les agents, ili akuwe na uwezo juu ya watumishi, pour avoir la sécurité de son poste, ili akuwe akinge. Désormais, na sasa lorsqu'il est dans son poste, wakati iko ndani ya kazi yake, il est à l'aise, anafurahi. Et quand un agent vient, na wakati mtumishi anakuja, il a autorité sur lui. Anakuwa na mamlaka juu yake. Tu bouges. Unatingizika tu kidogo. Utaona. Je vais signer. Nitaweka sahihi. Allez, sors. Toka. Pourquoi tu es comme ça? Sababu gani uko hivyo? J'ai des promesses. Ninakuwa na ahadi. J'ai des paroles que j'ai entendues dans le trou. Ninakuwa na maneno niliyosikia ndani ya shimo. J'ai des matériaux que j'ai retirés de là. Ninakuwa na vyombo nilivyovitoa huko. L'autre matériel est sur moi ici. Ninakuwa chombo kingine ambacho iko juu yangu hapa. Je suis dans l'assurance. Ninakuwa ndani ya uhakika. Et il apprend que quelqu'un est en train de manœuvrer pour les destituer ou pour le déstabiliser. Na kisha anaelewa kwamba kuna mtu ambaye iko natumika ili asumbue ama mtoshe kwenye kazi. Mtu apime. Jibu lake ni nani? Kilo seulement. Sur base de quoi? Juu ya nini? J'ai un agent divin. Ninakuwa na mtumishi wa kiungu. Et le chrétien? Na mukristo. Quel est son agent divin? Invisible. Wake asionekana ni nani? Quel est notre agent invisible? Mtumishi wetu asionekana ni nani? C'est qui? Ni nani? C'est Dieu. Yule asionekana ni nani? Quel est notre yule asionekana? Yule asionekana wetu ni nani? Hein? Est-ce que vous êtes en train de me suivre dans le fond de votre esprit? Nous sommes en train de construire quelque chose dans notre cœur. Avant la fin de la réunion, tu dois commencer à comprendre que c'est vrai. Nous, sisi, quel est notre agent invisible? Asionekana wetu ni nani? C'est Dieu. Ni Mungu. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Na hii ndiyo aliyosema ndani ya neno lake. Tu as dit quoi, Seigneur? Ulisema nini Bwana? C'est ce qu'il a dit dans la prophétie. Ni ile aliyosema ndani ya unabii. C'est ce qu'il nous a dit dans le rema. Ni ile aliyotuambia ndani ya neno la kipekee kwa ajili yetu. Et c'est lui-même. Na ni yeye mwenyewe. C'est lui-même Dieu. Yeye mwenyewe Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Voilà trois réalités en présence. Tazama ukweli tatu ambao unakuwa mbele yetu. Dans notre établissement. Ndani ya kushimikwa kwetu. Le vous. Wewe. Le faire. Kutenda. Et l'agent invisible. Na asiyeonekana. Maintenant regardez. Sasa mtazame. Lorsque tu entres dans ta carrière. Wakati unaingia ndani ya kazi yako. Tu as besoin de te souvenir. Unahitaji kukumbuka. De trois choses. Mambo matatu. La première. Jambo la kwanza. C'est l'assurance. Ni uhakika. De la présence divine. Ya uwepo wa Mungu. Avec toi. Pamoja na wewe. Dieu dit à Josué. Mungu anamwambia Yoshua. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Car il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, etc. Au verset 9. Kitabu hiki cha sheria kisitoke kamwe kinywani mwako. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Na anasema jesi kukuambia. Et à la fin. Na kwa mwisho. Il dit, car l'Éternel sera avec toi. Anasema, car je serai avec toi. Mana nitakuwa pamoja na wewe. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja na wewe. C'est une phrase, je serai avec toi. Inakuwa ni msemo, nitakuwa pamoja na wewe. Mais quel est le contenu de je serai avec toi? Lakini nini nakuwa ndani ya ile nitakuwa pamoja na wewe? Lorsque je dis, wakati ninasema, j'invoque la présence de Dieu. Ninaita uwepo wa Mungu. Vous avez déjà dit ça aussi? Umesha kuisema pia. Ça vous est déjà arrivé? Imesha kuwafikia. Seigneur, j'invoque ta présence. Bwana, ninahitaji uwepo wako. De quoi je parle? Niko nasema nini? Nous voulons ta présence, alléluia, nous voulons ta présence. Ce sont des phrases? Ni misemwa tu. Seigneur, j'évoque ta présence dans cet temple. Bwana, nahitaji uwepo wako ndani ya hekalu. Tu veux dire quoi? Unahitaji useme nini? Tu comprends quoi dans? Unaelewa nini? Ta présence. Ndani ya uwepo wako. Voici certains éléments. Tazama mambo fulani fulani. Que j'aimerais partager. Ambao ningependa tu kuzungumza pamoja nami. Au sujet de la présence de Dieu. Juu ya uwepo wa Mungu. Quand tu as la présence de Dieu. Wakati unakuwa na uwepo wa Mungu. Tu as. Unakuwa. La provision. Unakuwa na akiba. C'est-à-dire. Ni kusema. Lorsque je sais que Dieu est présent avec moi. Wakati najua kwamba Mungu iko pamoja nami. Donc j'ai la provision de Dieu ici. Ni kusema nina akiba ya Mungu hapa. Pierre dit. Petro anasema. Dans Acte 3, 5 et suivant. Ndani ya matendo ya mitume 3. Je n'ai ni argent ni or. Sina pesa mazahabu. Mais ce que j'ai. Lakini ninayo. Je te le donne. Ninaikupatia. Qu'est-ce que tu as? Unakuwa na nini? La provision. Ninakuwa na akiba. De Dieu. Ya Mungu. Comment tu sais que tu as la provision? Namna gani unajua ya kwamba una akiba? Parce que Dieu est avec moi. Sababu Mungu iko pamoja na mimi. Comment tu sais qu'il est avec toi? Namna gani unajua ya kwamba iko pamoja na wewe? Matthieu 28. 20. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples, etc. Et voici, je suis avec vous. Dieu, Mungu, tu es avec nous. Il dit, oui, oui, oui. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je suis dans un jour? Attends, est-ce que vous comme toi, comme un jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans un jour? Moko musiku. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans un jour? Si Dieu, si Jésus a dit tous les jours. Kama Yesu alisema siku zote. Est-ce qu'il y a des jours creux? Je kuna kuwa siku ambazo atakuwa. Donc aujourd'hui c'est concerné. Ni kusema hata leo inahusika. Tous les jours. Siku zote. Je suis avec vous. Niko pamoja nanyi. Signifie quoi? Inamaanisha nini? Je vous donne ma présence. Ninawapatia uwepo wangu. Tous les jours. Siku zote. Quel est le défi de ta vie? Ni nini shida ya maisha yako? Qu'est-ce qui manque? Nini inayokosekana? De quoi tu as besoin? Unahitaji nini? Il a dit, je suis avec vous. Niko pamoja nanyi. Tous les jours. Siku zote. Ah. Or dans sa présence, itapokuwa ndani ya uwepo wake, il y a la provision. Kuna kuwa akiba. Donc, nikusema, je suis ici. Niko hapa. Avec la provision. Pamoja na akiba. Mais comment ça fonctionne pour que j'accède à cette provision? Je ferai comment pour que cette provision fonctionne? Par la parole. Ce que j'ai, ninayo, je te le donne. Ninakupatia nayo. C'est où? Iko wapi? Tu as? Una nini? Tu me donnes? Unanipatia. Qu'est-ce que tu viens de me donner? Umenipatia nini? Je viens de te le donner. Si nimekupatia nayo. Allez, lève-toi et marche. Sasa simama na utembee. Et puis, na kisa tu, et puis il marche. Natembea. J'ai vraiment reçu ça. Hakika. Est-ce que tu l'as vu arriver? Je ulione kifika. Non, j'ai... Apana. Je ne suis plus paralytique. Mimi sikuwete tena. Mimi kwai. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a eu l'assurance et la présence de Dieu avec lui. Kuna mtu alikuwa na uhakika wa uwepo wa Mungu pamoja naye. Na kaona que cette présence là, ya kwamba uwepo huo contient la provision. Inakuwa ndani ya akiba. Acte 10 38. Matendo ya mitume 10. C'est Jésus de Nazareth. Il allait de lieu à lieu, mahali, faisant le bien mema, et guérissant kiponya, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Comment tu avais des guérisons à distribuer? Car Dieu était avec moi. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce mon anipata? Vous me retrouvez? Ama Louise, tu me trouves? Manipata. Dieu est avec moi. Mungu iko pamoja nami. Donc, nikusema, j'ai la provision ninakuwa na akiba avec moi. Pamoja na mimi. Et je peux toucher dans la provision naweza kugusa ndani ya akiba pour distribuer le contenu. Kwa ajili ya kugawa iliyo ndani. Mais je distribue ça, lakini naigawa de manière par la parole. Kupitia neno. Jésus dit, quand vous aurez la foi, Yesu anasema mtakapo vous direz à cette montagne, mtakapokuwa na imani, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ondoka hapo, et la montagne va se soulever, na ile mlima ita elle-même va pali se jeter dans la mer. Yo yenyewe tende kajitupa ndani ya maji. Ah. Par quoi? Kupitia nini? La parole. Kupitia neno. Deuxième chose, jambo la pili, dans la présence de Dieu, ndani ya uwepo wa Mungu, ma source, chemu chemu yangu. Seigneur, tu es avec moi, tu es ma provision. Bwana uko pamoja nami, wewe ni akiba yangu. Tu es avec moi, tu es ma source. Uko pamoja nami, wewe ni chemchemu ya kisima changu. Il est écrit dans Psaume 87, 7. Imeandika ndani ya kitabu cha Zaburi. Ceux qui chantent et ceux qui dansent et crient, toutes mes sources sont en Dieu. Wanao lala wanao amka wote wanasema chemchemu zangu zote ziko ndani ya Mungu. Toutes mes sources sont en Dieu. Chemchemu zangu zote ziko ndani ya Mungu. Et Dieu est où? Na Mungu iko wapi? J'ai sa présence. Nina uwepo wake. Donc, ni kusema, toutes mes sources, visima vyangu vyote, sont en Dieu. Viko ndani ya Mungu. Il est où? Iko wapi? Avec moi. Pamoja nami. Est-ce que quelqu'un me retrouve? Je kuna mtu ambaye ananipata. Bwana sifiwe. Tu amina. Tuachie hapa. Mpese limite ici. Mbona mnaanza enda? Vous commencez à partir. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Kuna mtu anashangilia Bwana. C'est pourquoi au temps de Saül, le peuple d'Israël avait cette habitude. Lorsqu'ils se retrouvaient coincés quelquefois dans des guerres, ils allaient prendre l'arche de l'Alliance et ils l'ont amené au front dans le champ de bataille. En se disant, wakisema, la présence de Dieu, uwepo wa Mungu, si elle est ici avec nous, hapa pamoja nasi, nous avons na la provision, pambano, tunakuwa na akiba, nous avons la source. Tunakuwa na chemchemo. Même si les armements ou les munitions s'épuisent, hata kama silaha zimekwisha, et nous avons vu cela, na tuliona hii, quelquefois Dieu est intervenu pour Israël par les grêles, par magie ou enatoka mbinguni. Kuna wakati ambapo Mungu wali c'est-à-dire, les munitions sont épuisées ou les flèches sont épuisées et Dieu, qui est leur source, il fait pleuvoir une pluie qui vient de nulle part. Mais une pluie sans pluie, lakini ni mvua bila mvua. Mais une pluie de pierre. Lakini mvua ya mawe. The glass. Mvua ya teluji. Tombe du ciel. Inatoka mbinguni. Et massacre l'ennemi. Na inawaangamiza maadui. Toutes mes sources sont en Dieu. Machemchemi zangu zote zina. Qu'est-ce que je manque? Mimi nakosewa nini? Si j'ai la présence de Dieu. Kama nina uwepo wa Mungu. J'ai toutes les sources. Ninakuwa na chemchemi zote. Tu as besoin d'argent? Unakuwa na hitaji ya pesa? Hey, la présence de Dieu. Una uwepo wa Mungu. Dans sa présence avec toi, il y a l'argent avec toi. Tu peux l'appeler par la foi. Dans la parole. La source. Troisième chose. Quand il est avec moi, il est mon appui. Psaume 84:6. Zaburi 84:4 mstari wa 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heri wale wanaokutegemea. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Wanapata mioni mwao njia ambazo zimewekwa tayari. Quand Dieu est avec moi, wakati Mungu iko pamoja na mimi, il est mon appui. Ni nafasi ninategemea. Mais pourquoi il est mon appui? Sababu gani yeye? Parce qu'il m'a confectionné. Sababu amenitengeneza. Et je suis en train de faire ce qu'il m'a dit de faire. Na niko nafanya ile ambayo ameniambia. Et il est avec moi. Na iko pamoja nami. Qui va me toucher? Nani atakayenigusa? Alors que mon appui itapokuwa msaada wangu. Est avec moi. Iko pamoja nami. Que le diable vienne avec toute son armée. Que les hommes viennent avec des armes. Wanadamu wakuje pamoja na silaha. Mon appui. Est avec moi. Msaada wangu iko pamoja nami. Mutashangaa. Et vous serez étonné. J'ai un appui. Ninakuwa na msaada. J'ai quelqu'un sur qui je m'appuie. Nina mtu ambaye ninamtegemea. Mais comment ça fonctionne? Nambo inaendeka namna gani? J'ai sa présence. Nina uwepo wake. Avec moi. Pamoja na mimi. J'ai sa présence. Nina uwepo wake. Tu rates la présence de Dieu. Unakosa uwepo wa Mungu. Tu rates son appui. Unakosa msaada wake. Tu rates la présence de Dieu. Hauna uwepo wa Mungu. Tu rates ses sources. Hauna chemchemi. Tu rates ses provisions. Hauna akiba zake. Mais tu as sa présence. Lakini una uwepo wake. Tu as son appui. Unakuwa na msaada wake. Tu as sa source. Unakuwa na chemchemi yake. Tu as ses provisions. Unakuwa na akiba yake. Dans Ésaïe 28 verset 16. Ndani ya Isaya 28 mstari. Il est écrit. Imeandikwa. Il y aura une pierre en Sion. Sayuni. Et celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Il n'aura pas hâte de fuir. Pourquoi tu fuis vite? Sababu gani unakimbia mbio? Tu n'as pas d'appui. Sababu hauna tegemeo. Moi j'ai un appui. Mimi ninategemea. Que 1000 tombent à ma gauche. Elfu anguke ku. Et 10,000 à ma droite. Elfu kumi kume kwangu. Je n'ai pas besoin de fuir. Sina haja ya kukimbia. J'ai un appui. Ninakuwa na mahali ninategemea. Il n'aura pas hâte de fuir. Na hata kuwa na kukimbia haraka. Il va pas fuir vite, c'est ce que ça veut dire. Haraka, hata kimbia mbio. On peut te conseiller de dire fuis. Wanaweza kukushauri na kukuambia kimbia. Kitu cha ndoa toka hii mahali. Le diable est là-bas. Shetani iko hapo. Tu dis laissez-moi d'abord. Unasema mniache kwanza. En fait, tu n'as pas hâte de fuir. Ni kusema wewe haukimbia haraka. Parce que tu as un appui. Sababu unategemeo. Dans tes affaires. Ndani ya kazi zako. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Je kuna uwepo wa Mungu? Si elle est là. Kama iko hapo. Tu as un appui. Unakuwa unategemeo msaada. Il y a des déficits financiers. Kuna kuwa kupoteza pesa. Tu as un appui. Unakuwa na msaada. Tu as un appui. Una msaada. Aide-moi à dire au voisin. Nisaidie kumwambia. Le pasteur vient de dire. Mchungaji anaweza kusema. Que tu as. Ya kwamba. Un appui. Una msaada. Tu as source. Unakuwa na chemchemi. Tu as provision. Na unakuwa na akiba. Par la présence de Dieu. Ndani ya uwepo wa Mungu. Alors dis-lui. Sasa mwambie. Cherche la présence de Dieu. Tafuta uwepo wa Mungu. Et le psalmiste vient mettre le comble dans cette réalité ici. Le panier des offrandes passe. Hein? C'est déjà passé. C'est fini. Ok. Le psaume chapitre 18 verset 3. Zaburi 18 mstari wa 3. Bwana sifiwe. Hey, amen. Mettez-nous ça, on va lire ça ensemble. Mnaweza kutuwekea kwenye ubao, tutaisoma pamoja. Quand j'ai l'Éternel avec moi, j'ai sa présence avec moi. Wakati ninakuwa na Bwana pamoja en plus de ce que nous venons de dire. Tu as Dieu, tu as quoi? Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu attrapes la présence de Dieu, tu attrapes tout ça. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Avec qui? Avec la présence de Dieu. Qui signifie tout ce que nous venons de dire. Si j'agis et j'interagis avec la pauvreté, est-ce que la présence de Dieu en question a quelque chose face à la pauvreté? Si j'interagis avec la stérilité, la présence de Dieu a-t-elle quelque chose comme réponse? Si j'interagis avec des circonstances adverses, la présence de Dieu contient quelque chose? Si j'interagis avec des bandits à main armée, je fais quoi? J'appelle la présence de Dieu. Si j'interagis avec la guerre, j'interagis avec des défis nationaux, j'interagis avec des situations invisibles que je ne comprends pas, la présence de Dieu est ma forteresse. C'est-à-dire, si je dois me cacher, je me cache en Dieu, ma forteresse. Si je dois résister, j'ai un appui. Je m'appuie sur Dieu et je frappe. Vous voyez, l'ennemi m'a déjà déséquilibré. Il m'a déséquilibré dans le combat. Puis finalement, j'attrape la présence de Dieu. Et je fais quoi? Je suis dans la stabilité. Je frappe. Je frappe. La présence de Dieu. Ok, levons-nous, on va s'arrêter pour ce point aujourd'hui. Tusimame, tutamalizia kwa nukta hii. Faut quand même qu'on passe à l'action. Na tunapita sasa kwa tendo. Pendant quelques minutes. Kwa dakika fulani. Alléluia. Amen. Et demain matin, asubuhi, nous venons pour prier tunakuja kwa ajili ya kuomba, avec la conscience pamoja na de ces réalités ici. Ya ukweli hizi. Est-ce que quelqu'un sera là demain matin? Je kuna mtu atakuwa hapo asubuhi ya kesho? Qui sera là demain matin? Nani atakuwa hapo asubuhi ya kesho? Vous serez là? Nitakuwa hapo. Vous serez là? Nitakuwa hapo. Alléluia. Amen. Ta présence que j'aime, oh, tu... ta présence que j'aime, tu es beau. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence. Je trouve mon appui. sasa. Nous voulons commencer à prier. Tunatafutaanza kuomba. Il nous a été dit hier. Walituambia jana. Courons avec persévérance. Tukimbie na kudumu. Dans la carrière. Ndani ya kazi. Qui nous est ouverte. Ambayo imefunguliwa kwa ajili yetu. Quels sont les défis auxquels tu fais face? Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa présence. Nous allons demander à Dieu de nous donner le statut de la mission qu'il nous a confiée. Prions le Seigneur. Prie. Seigneur, donne-moi ce statut. Seigneur, je dois devenir rentable. Seigneur, je dois opérer. Seigneur, je viens dans ma carrière. Quelqu'un prie le Seigneur. Je viens dans ma carrière. Seigneur, donne-moi mon statut. Donne-moi mon statut et mes prérogatives. Donne-moi mon statut et mes prérogatives. Donne-moi les contenus de mon statut. Complète ce que tu dois faire sur moi. Complète, Seigneur, ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Complète quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu doit faire pour t'amener au seuil opérationnel, afin que tu pénètres ta carrière. Aramache que roboche taraza, repassanto pekeluse, kola boche te kolaze, mane moshite bolazia. Carre basanta rabazoa, ibo se que le couche, in the matinem of Jesus, mane kero se le goule, iria da gossa balako, kentere de gea, basso pele cochi, nome rago se terese, tata capaca yaza, o bacha capaca laza, elico basa cabaje. Oh Jésus, mon Dieu, j'ai besoin de ta présence ici, ta présence, mon Dieu, ta présence, mon Dieu, viens dans ta présence, viens dans ta présence, viens dans ta présence, Jésus. Tu as maintenant le statut. Le vous est complet. Le toit est complet. Tu veux entrer dans la deuxième phase, à la deuxième réalité de, du faire. Unapaswa kuingia sasa ndani ya ile hatua ya pili ya kutenda. Faire. Kutenda. Il y a beaucoup à faire. Kuna mambo mengi ya kutenda. C'est toute une carrière. Inakuwa ni kazi kubwa. Mais nous n'allons pas tout faire maintenant. Na hatutafanya yote kwa sasa. Nous allons rentrer sur un domaine. Na tutaingia kwenye uwanja moja. Un domaine de faire. Uwanja moja wa kutenda. C'est le domaine du souci immédiat que tu as. Inakuwa ni uwanja wa hitaji ya sasa unayo. Les soucis que tu as là. Ile hitaji unayokuwa nayo sasa. La préoccupation immédiate que tu as là maintenant. Là. Tu veux résoudre ça maintenant. Tu veux agir sur cette réalité-là maintenant. Tu veux briser cette montagne maintenant. Tu veux détruire cette maladie maintenant. La réalité que tu as maintenant, à cause de la présence de Dieu, la présence qui est avec toi, tu agis sur cette réalité-là maintenant. Va-t'en dans la prière. Va-t'en dans la prière. La réalité immédiate, le problème immédiat que tu as maintenant, le problème immédiat que tu as maintenant, agis, agis. Il est ta provision, il est ta provision, il est ton appui, il est ta source. es en train de devenir une grande armée. Un grand soldat de Dieu. Il y a des choses qui sont en train de commencer dans ta vie et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous les verrez s'accomplir. Cela se fera. Et je déclare que ce que tu viens de dire se fera. Se fera. J'aimerais que nous puissions prier pour cette personne. Cette personne qui a besoin de la guérison. Ambao wanahitaji uponyaji. Avancez ici. Cette personne. Watu saba. Sept, ça suffit. Watu saba tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les autres rentrent. Wengine warudi. 7, c'est jusqu'à elle. 4, 5, 6, 7. Les autres rentrent. Wengine wanarudi ni watu saba tu. Bien-aimé, mpendwa, nous avons écouté la parole. Tumesikia neno. Est-ce que cette parole est vraie? Je hii neno ni kweli? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Je neno la Mungu ni kweli? Est-ce qu'elle est vraie? Je ni kweli? Je vais inviter sept personnes ita alika watu saba qui sentent ambao wanasikia comme Pierre kama Petro qu'ils ont déjà la guérison de ses amis ya kwamba wana tayari uponyaji wa rafiki. Sept personnes watu saba avancez msonge hapa mbele. Sept watu saba 3 4 5 6 7. Les autres rentrent. Wengine wanarudi. Les autres rentrent. Wengine watarudi. Si tu es venu après, tu rentres. Kama umekuja nyuma utarudi. Qui est venu après les autres? Entre vous trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Abigail, tu rentres. Tu vas prier après. Ses amis, hein? Vous êtes huit. Qui est venu après? Tebete, rentre. Ceux qui rentrent, je ne veux pas dire qu'ils ne vont pas prier. On va tous prier. Si c'est mes wali orudi, mais vous qui vous êtes avancés, vous êtes des pierres. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Avez-vous quelque chose? Je una kitu? Oui. Ndio. Comment vous donner? Namna gani unapata? Par la foi. Kupitia imani. Et par la parole. Na kupitia neno. Et vous tous, vous allez prier pour tous. Nyinyi wote mtaombea wote. OK? Et nous tous, na sisi sote, nous sommes derrière eux comme leur armée. Voyez? Nyuma yao kama jeshi. Nous sommes leur appui. Sisi tunakuwa tegemeo lao. Vous vous appuyez sur nous. Nyinyi mnatutegemea. Et vous guérissez les malades. Na mnawaponya wagonjwa. Allez. Endeni. Guérissez les malades. Ponyeni wagonjwa. Purifiez les lépreux. Watakase wakoma. Ressuscitez les morts. Wafufue wafu. Vous avez reçu gratuitement. Mmepokea kwa bure. Donnez gratuitement. Na toweni kwa bure. Commençons à prier. Tuanze kuomba. Nous prions. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Priez. Priez. Prions. Shekabasata rago. Maladie. Tu n'as plus de domicile dans ce corps. Maladie. Tu expires aujourd'hui. Maladie. Il n'a plus de temps. domicile, dans ce corps. Au nom de Jésus, Aramakato Sepa, Omete Rezagalo, Teria Sopakatozi, Indera Kakabakado, Lemakese Tegea, Luterisa, Kereside de l'Indio Kobo Kadaga, Keria Sopetezuke, Lamakato Bela, nous prions frères et sœurs. Nous guérissons les malades. Nous guérissons les malades. Ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les malades, et les malades seront guéris. Guerra bachata rukaruba, oteraga kochete balata. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Hey, akaba yendo, akaba. Hey, ya. Et l'Éternel marchait avec eux et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et le Seigneur marchait avec eux et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À remercier le Seigneur. Vous qui êtes devant, remerciez Dieu pour votre guérison. Dites merci à Dieu parce que vous êtes guéri. Remerciez le Seigneur. Et nous tous remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison de nos frères. We'll be right back. wanasi. La la la la. Je connais qu'un seul amour. Zambo ya bima komi kaba. Komi pesa mo bima. Mokozo ya poka na nyoso. Moza nyoso nani. Nanyango na koka nisana yo. Nani kolo kia wanase. Kona katia monte mananga. Je connais qu'un seul amour. Zambo ya après avoir agi, kisa kutenda. Après avoir agi, kisa kutenda. Nous croyons. Tunamini. Alléluia. Amen. Pourquoi nous croyons? Sababu gani tunamini? Marc 16, 20. Matayo, Marco. Ils s'en allèrent prêcher partout. Kuminasita, ishirini, wakenda ubili et le Seigneur travaillait avec eux. Na Bwana litumika pamoja nao. Et confirmait la parole. Na alihakikisha neno. Par les miracles. Kupitia miujiza. Qui l'accompagnait. Iliyokuwa inawasindikiza. Le Seigneur confirmait la parole. Bwana alihakikisha neno. L'homme ne confirme pas la parole. Mais le Seigneur qui est présent, la présence, il confirme sa parole par les signes qui accompagnent sa parole. Levez-vous et allez dans la confiance. Le Seigneur confirme la parole. Et revenez témoigner. Et je vais dire ceci à nous tous. Vous rentrez à la maison. Faites des exercices. Exercez-vous. C'est à ça que Dieu nous appelle. Entre dans ta carrière. Avec persévérance. Celui qui persévère peut prier maintenant. Il peut prier encore à 20h. Il peut prier demain matin. Il peut prier à 12h. Il persévère avec persévérance dans sa carrière. Ma carrière de guérir les malades. Je persévère dans la carrière. Paul pouvait dire, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Mais Pierre, tu les enrichis avec quoi? Parce que j'ai la provision des richesses. J'ai des millions avec lesquels j'enrichis plusieurs. Je ne leur donne pas des billets de banque. Mais je leur donne des billets de parole. Et ils s'enrichissent. De la même manière, dans les autres domaines de notre vie, nous allons agir. Regardez. Cette opérationnalisation ne consiste pas seulement à donner, mais consiste aussi à recevoir. Elle ne consiste pas seulement à chasser les démons, mais consiste aussi à donner des choses par la foi. À donner des choses par la foi. Tu peux rentrer à la maison et donner de l'intelligence à tes enfants. Tu peux rentrer à la maison et donner de la fécondité à tes affaires. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Je vais assujettir avec quoi? J'ai la provision pour le faire. Et j'entre dans cette carrière de rendre les gens féconds afin que la stérilité cesse. J'entre dans la carrière et je travaille avec persévérance. Lève nos mains. Dites Seigneur mon Dieu, j'ai écouté ta parole et je suis prêt. J'ai commencé. Confirme ta parole par les signes, les miracles qui vont l'accompagner. Merci parce que tu es fidèle et tu marches derrière ta parole pour l'accomplir. Lorsque je vais prononcer ta parole, lorsque je vais prononcer tes promesses, mon Dieu, dans ta grâce, marche derrière elle et accomplis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur.